إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue, aujourd'hui c'est le cours numéro 12 dans la série de cours de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. C'est un livre de fiqh écrit par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on est arrivé donc dans le chapitre qui explique les conditions de la salat. Et on est arrivé à la troisième condition. D'accord ? La première condition qui était de faire la prière dans son temps. Il faut pas prier avant le temps, avant que le temps soit commencé. La deuxième condition dont on a parlé, c'était la condition de couvrir Al-Awra. Et aujourd'hui donc, on commence à parler de la troisième condition qui est Ijtinabu Najasa, c'est-à-dire d'éviter les impuretés. Et le Cheikh il dit wa mimma yushtaratu lis-salati ijtinabu an-najasa bi'an yabta'ida 'anha al-musalli wa yakhlu minha tamaman fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi allati yaqifu 'alayha lis-salah. Donc, il y a comme condition pour la prière que quelqu'un doit s'écarter et éviter tout endroit où il y a des impuretés ou toute chose sur lequel il y a des impuretés. Donc, la personne qui prie, il faut qu'elle soit certaine qu'il n'y a aucune impureté sur son corps, sur ses vêtements et à l'endroit où elle prie. وَالنَّجَاسَةُ قَدَرٌ مَخْصُوصٌ يَمْنَعُ جِنْسُهُ الصَّلَاةِ كَالْمَيْتَةِ والدم والخمر والبول والغائط. وقال تعالى وثيابك فطهر. قال ابن سيرين اغسلها بالماء. Donc le cheikh il dit que an najasa, c'est ce qu'on traduit en français comme étant une impureté, c'est quoi? C'est une saleté spécifique qui empêche par elle-même d'établir la salat ou de pouvoir faire la salat. Et il donne des exemples d'impuretés comme par exemple al-maita, c'est-à-dire un animal qui est mort, qui n'a pas été égorgé, ça fait partie des impuretés. Ad-dam, le sang. Al-khamar, le cheikh a mentionné parmi les impuretés al-khamar, toutefois, c'est-à-dire l'alcool ou le vin. L'alcool, et à ce sujet-là, il y a bien entendu un désaccord entre les ulama. Et l'opinion correcte, c'est que c'est pas impur. L'alcool. Et c'est pour cette raison-là que des ulama ont interdit l'utilisation du parfum qui contient de l'alcool, tandis que d'autres ulama l'ont permis. Et ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve claire pour déterminer ou pour dire que l'alcool fait partie des impuretés. D'accord? Donc même si c'est haram, ça ne veut pas dire que c'est impur. Wallahu a'lam. Et ensuite le cheikh dit également l'urine et les excréments. Les selles, c'est-à-dire ça fait partie des impuretés également. Et donc, s'il y a une de ces choses-là sur nos vêtements, sur notre corps, ou bien à l'endroit où on prie, eh bien, il faut le nettoyer, il faut le purifier. Sinon, on ne peut pas établir la salah. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ اِغْسِلْهَا بِالْمَاءِ » C'est-à-dire, nettoie-le ou lave-le avec de l'eau. Et ça, c'est rapporté dans « Tafsir ibn Kathir ». Et Ibn Sirin, bien entendu, c'est Muhammad Ibn Sirin, un des célèbres tabi'in. Ensuite, le cheikh, il dit, « قال صلى الله عليه وسلم, استنزه من البول, فإن عامة عذاب القبر منه. » D'accord ? Et yani, ça c'est un hadith qui dit de faire attention à l'urine. Hein, lorsqu'on va uriner, de faire attention à l'urine pour pas que ça tombe sur nos vêtements et sur nous, parce que la plupart des gens qui seront châtiés dans leur tombe, ce sera à cause justement du fait qu'ils n'ont pas fait attention à l'urine. Et ça c'est rapporté. C'est un hadith, il dit que Al-Hafid ibn Hajar a dit qu'il est authentique, hein, que sa chaîne de narration est authentique, et il y a des témoins, c'est-à-dire il y a d'autres hadiths qui supportent cette signification-là. Ensuite, le Cheikh dit « وَأَمَرَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَرْأَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ أَنْ تُغْسِلَ ثَوْبَهَا إِذَا أَصَابَهَا دَمُ الْحَيْضِ وَتُصَلِّ فِيهِ وَأَمَرَ بِدَلْكِ النَّعْلَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَأَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ الَّذِي حَصَلَ فِي الْمَسْجِدِ » Donc, le Cheikh, il donne trois exemples maintenant de différents cas où il y a des impuretés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé de purifier ces impuretés-là et de les nettoyer. Donc, par exemple, il donne l'exemple de la femme qui avait des traces de sang, de menstruation sur ses vêtements. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de le nettoyer avec de l'eau et tout, et de prier dedans. C'est-à-dire, elle peut prier avec, elle le lave, elle le nettoie comme il faut, elle enlève le sang et tout, elle le nettoie, et puis elle peut prier dedans. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la personne qui voulait prier dans la mosquée avec ses sandales de regarder sur ses sandales s'il n'y avait pas quelque chose d'impur et de les frotter dans le sable ou sur la terre pour enlever s'il y avait quelque chose, pour l'enlever s'il y avait une impureté. Et c'est ça la façon dont on doit... C'est comme ça qu'on doit purifier les sandales. Ensuite, il a donné un exemple également du cas où, lorsqu'il y a eu le bédouin qui était entré dans la mosquée et qui a uriné dans un des coins de la mosquée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux sahaba de renverser un seau d'eau sur l'endroit où une chaudière d'eau à l'endroit où le bédouin avait uriné dans la mosquée. Et ça, c'est une manière de purifier cette impureté-là. Ensuite, il a donné un autre exemple. Il a dit, ensuite, il continue, il dit وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها. Donc, وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. Le Cheikh, il dit que également il y a beaucoup d'autres preuves qui montrent qu'il faut s'écarter et éviter toute impureté. Parce que si quelqu'un, bien entendu, prie avec la présence d'une de ces impuretés-là, sa prière ne sera pas valable. S'il y a une impureté sur son corps ou sur ses vêtements, ou à l'endroit où il prie, bien entendu, sa prière ne sera pas valable. Et il dit également, si la personne porte quelque chose qui est impur également, donc ça risque d'annuler la validité de sa prière, de la rendre invalide, ou invalable plutôt. « ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة » وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. Donc le Cheikh dit, par exemple, on va dire que tu as fait ta prière, puis quand tu termines ta prière, tu regardes et tu t'aperçois que il y a une trace d'impureté sur ton vêtement, mais tu peux pas déterminer quand est-ce que cette impureté là est arrivée sur ton vêtement. Est-ce que c'était avant la prière ou pendant la prière ou après la prière, tu peux pas dire avec certitude. Le Cheikh dit, dans ce cas-là, ta prière est valable. Et il dit, par exemple, si par exemple tu savais qu'il y avait l'impureté sur tes vêtements et que par la suite tu as oublié, c'est-à-dire tu as oublié de l'enlever ou de le nettoyer, ta prière est valable également selon l'opinion qui est correcte. Donc ça c'est l'explication du Cheikh. Et il dit ensuite, وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. Donc le Cheikh il dit, par exemple, si tu es en train de prier et durant ta prière tu réalises qu'il y a une impureté sur tes vêtements ou sur tes sandales ou sur quelque chose que tu portes, hein, ou sur toi. Donc dans ce cas-là, si tu es capable de l'enlever sans faire trop de mouvements, comme par exemple d'enlever tes sandales ou bien par exemple d'enlever qu'est-ce que tu portes sur ta tête si c'est là qu'il y a l'impureté, donc dans ce cas-là tu l'enlèves, tu les enlèves et yani tu continues ta prière. Mais si tu es pas capable de les enlever ou d'enlever la chose qui contient l'impureté ou qui a l'impureté dessus, alors dans ce cas-là, ta prière est invalable, est pas valable. Donc tu dois la refaire. Yani. Et il y a des exemples de ça même durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier avec ses sahaba et yani, il a enlevé ses sandales. Et tous les sahaba qui étaient derrière lui ont enlevé et eux également leurs sandales durant la prière. Alors, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, pourquoi vous avez enlevé vos sandales durant la prière? Alors, les sahaba ont dit, on a vu, ya Rasulallah, on a vu que tu as enlevé tes sandales, et donc, nous, on a voulu faire comme toi. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, moi, c'est parce que Jibril, il est venu pour m'informer qu'il y avait une impureté sur mes sandales, et donc, j'ai fait ça. Donc, vous n'aviez pas de raison d'enlever vos sandales, vous aussi. Hein, donc ça c'est un exemple en même temps qui nous montre que à quel point les sahaba suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'ils faisaient, dans tout ce qu'ils disaient, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite leur a expliqué la raison pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et yani il leur a expliqué. Donc alhamdoulilah, c'est clair que si donc quelqu'un durant sa prière se rappelle que sur quelque chose qu'il porte sur lui il y avait une impureté, qu'il est capable de l'enlever sans faire trop de mouvements, alors dans ce cas-là, il l'enlève et il continue sa prière normale. D'accord? Le Cheikh dit, وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْأَرْضُ كُلُّهَ مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامُ رَوَاهُ الْخَمْسَةِ إِلَّا النَّسَائِي وَصَحَّحَهُ الترمذي. Donc le cheikh il dit que la prière est valable excepté dans le cimetière. Donc on n'a pas le droit de prier dans un cimetière ou dans un endroit où il y a des tombeaux ou des tombes, excepté la prière de janaza, parce que dans la prière de janaza il n'y a pas de recours, il n'y a pas de soujoud, okay, il n'y a pas de prosternation, puis il n'y a pas d'inclination. Donc dans ce cas-là, yani, on peut juste faire la prière pour le mort, c'est-à-dire la prière des funérailles, la prière de janaza. Mais les autres prières, on n'a pas le droit de prier dans un cimetière. Et c'est basé sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est apportée par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Non, attendez juste un instant. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, ce hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre entière est pour moi une mosquée. C'est-à-dire, on peut établir la prière et on peut prier peu importe où on est sur la terre. Excepté dans les cimetières, excepté dans les endroits où on va aux toilettes. D'accord? Les toilettes et les cimetières. Oui, c'est authentique ce hadith. Il est dans Sahih At-Tirmidhi. Donc, Cheikh Al-Albani, il a dit qu'il est Sahih. Donc, il est sahih, alhamdulillah. Et ensuite le cheikh il dit, قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. Ce hadith il est rapporté par al-jama'a excepté al-Bukhari. Donc il est rapporté par Muslim, Ahmad, Abu Dawood, al-Tirmidhi, al-Nasa'i. Et donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha. C'est-à-dire, ça c'est le hadith qui dit ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Et donc, ça c'est aussi un hadith qui est authentique également. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith. Il dit « Qala alayhi salatu wassalam » Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim, donc c'est authentique ça aussi. C'est-à-dire ne prenez pas les cimetières comme lieu de prière ou comme mosquée. Ensuite le cheikh dit walaysa al-illatu fi an-nahy 'an as-salat fi al-maqabir aw 'indaha khashyat an-najasa wa innama hiya khashyat ta'zimiha wa ittikhadhiha awsanan. Donc le cheikh dit la raison pourquoi on nous a interdit de prier dans les tombeaux ou dans les cimetières, ce n'est pas à cause de la crainte de l'impureté. C'est pas parce qu'on craint qu'il y ait une impureté, mais c'est plutôt parce qu'on craint de les exalter ou de les vénérer et de les prendre comme des idoles, hein, c'est-à-dire de prendre ces tombes comme des idoles, comme certains parmi les mouchriquins d'aujourd'hui font dans les cimetières. Donc le cheikh il dit que c'est plutôt la raison de cette interdiction là, c'est plutôt pour fermer la porte à toute adoration des tombes, hein. Et le cheikh il dit wa tustathna salatul janazati fayajuzu fi'luha fil maqbara li fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa dhalika yukhassisu an-nahy. Donc le cheikh il dit que la seule exception qu'on peut faire, c'est la prière de janaza. Alors il est permis de la prier dans le cimetière parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a établi, c'est-à-dire il l'a déjà fait. Et ça c'est une exception à la règle. Disons que c'est une exception qui vient spécifier que c'est permis, alors que la règle générale c'est que c'est interdit. Et la seule raison pourquoi c'est permis, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc il y a une preuve pour établir la janaza dans le cimetière. Et le cheikh il dit que ça c'est un hadith qui est muttafaq alayh, c'est basé sur un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas et Abi Huraira. Et le hadith d'Ibn Abbas est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et celui d'Abu Huraira est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est authentique. Ensuite le cheikh il dit qu'à la cheikh l'islam Ibn Taymiyyah ittafaq al-a'immatu أنه لا يبنى مسجد على قبر وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا وإن كان المسجد يبنى بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a expliqué que les imams sont tous d'accord, les imams, les ulama de l'islam sont tous d'accord qu'on ne peut pas construire une mosquée sur une tombe, hein, comme beaucoup de gens malheureusement ont construit des mosquées sur des tombes, et ça c'est absolument interdit, hein. Dans plusieurs hadiths. Et le cheikh il explique, il dit لأنه لا يجوز دفن ميت في المسجد وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد, et qu'il n'est pas permis d'enterrer un mort dans une mosquée, hein. Il y a quelqu'un qui nous expliquait une fois que dans certains pays musulmans, tu rentres dans une mosquée et en plein centre tu vois qu'il y a une tombe à l'intérieur de la mosquée. Et dans plusieurs pays même, ça c'est le cas. Et lorsqu'il y a par exemple un dirigeant, un prince ou un roi qui est décédé, on l'enterre et on fait une mausolée par-dessus l'endroit où il est mort. Et on fait ça également pour les chouïrs des soufis. Et donc les gens vont là-bas et ils visitent leur tombe, et à côté de leur tombe il y a des petites caisses où on peut mettre de l'argent, hein, pour demander de faire des demandes spéciales au wali ou au saint ou à cette personne. Et donc toutes sortes de bid'ah et de shirk que ces gens-là ont inventé. Et il y a un frère même qui nous expliquait une fois que dans un pays les gens ont mis un bâton de bois à l'entrée de la porte, c'est-à-dire quand tu veux rentrer à la mosquée il y a la porte, et en plein milieu de la porte il y a un morceau de bois ou une planche de bois ou un bâton qui t'oblige à pencher la tête, lorsque tu rentres dans la mosquée. Et la raison pourquoi on a placé ce bâton-là dans la porte, c'est pour forcer les gens à s'incliner lorsqu'ils entrent dans la mosquée, pour s'incliner devant la tombe de cette personne qui est enterrée en plein milieu de la mosquée. Donc ça, c'est un exemple comment des gens, Yanni, sont arrivés à un point d'égarement total jusqu'à forcer les gens à s'incliner devant des tombes et à mettre des tombes dans les mosquées. Et on sait que le verdict au sujet d'une prière qui est faite dans une mosquée où il y a une tombe, c'est qu'elle n'est pas valable. Cette prière-là, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas acceptée. Donc, la personne doit refaire sa prière dans le cas où il a prié dans cette mosquée-là. Et le cheikh, il continue, il dit donc, on n'a pas le droit de construire une mosquée sur une tombe et on n'a pas le droit non plus d'enterrer une personne dans une mosquée. Et il dit que si dans une mosquée, si la mosquée était là avant la tombe, alors dans ce cas-là, il faut enlever, il faut soit, c'est-à-dire niveler la tombe, ou bien déterrer la tombe et la déplacer, la mettre ailleurs. Si c'est une tombe qui est récente, qui vient d'être construite ou creusée dans cette mosquée-là, et que c'est possible de la déterrer puis de la mettre ailleurs, dans ce cas-là, on fait ça. Ça, c'est dans le cas où la mosquée était là avant. Mais si c'est le cas contraire, par exemple, si c'est la mosquée si c'est la tombe qui était là, puis qu'on a construit la mosquée par-dessus cette tombe, alors, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit que il faut détruire cette mosquée, soit qu'il faut la détruire, ou bien soit qu'il faut enlever la tombe qui est dedans. Antuzal suratul qabr, c'est-à-dire l'image de la mosquée ou l'image de la tombe qui est dedans ou la forme de la tombe, ça il faut l'enlever. Fal masjidul ladhi al qabr la yusalla fihi, la mosquée qui est construite sur une tombe, on n'a pas le droit de prier dedans, ni une prière obligatoire ni une prière recommandée ou volontaire, parce que c'est interdit. Et ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, et c'est expliqué dans plusieurs livres dans Majmou' al-Fatawa. Ensuite, le cheikh dit: "Wala tasihhu as-salat fi al-masjid alladhi qiblatuhu ila qabr, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tusallu ila al-qubur." Et le cheikh dit donc que ce n'est pas permis la prière de quelqu'un qui prie dans une mosquée qui est construite dans la direction d'une tombe. C'est pas permis, hein. On n'a pas le droit de prier dans une mosquée qui a sa direction ou sa qibla vers une tombe. parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne priez pas en direction des tombes. Ensuite, le cheikh il dit: wala tasihhu as-salatu fil hushush wa hiya al-marahid al-mu'addatu li qada'i al-hajah. فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع لأن الحشوش تحضرها الشياطين. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis de prier dans les latrines ou dans les toilettes, les endroits où on va pour faire nos besoins. Pourquoi? Parce que yani, c'est un endroit qui est rempli d'impureté et Allah nous a interdit de mentionner son nom dans ces endroits-là et donc de prier encore plus. Et le cheikh il dit que c'est un endroit où se rassemblent les shayatins, c'est-à-dire les diables. Et comme on a vu tout à l'heure dans l'autre hadith, c'était mentionné al-hammam, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prier dans al-hammam. Et il faut bien comprendre que al-hammam, ça peut vouloir dire les toilettes, et ça peut être également utilisé comme pour vouloir dire par exemple les bains romains ou les bains turcs, hein, al-hammam. Donc ça c'est un genre de bain public où les gens vont pour, comme une sorte de petite piscine là, et un endroit où les gens vont se laver. Ça c'est pas la même chose qu'une toilette. Et donc si quelqu'un, le cheikh il dit voilà tasihhu الصلاة في الحمام, c'est ça qu'il dit ici. Il n'est pas permis de prier dans al-hammam, ou huwa محل المعدل الاغتسال لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين. Donc c'est ça ce qu'il dit. Il dit c'est pas la même chose que la toilette, mais c'est quand même qu'il n'est pas permis de prier dans ces endroits-là, parce que c'est un endroit où c'est un endroit où on va pour se laver, et c'est un endroit où on découvre parfois nos aurats, c'est-à-dire nos parties. Et les parties qu'on doit cacher, on les découvre pour se laver, etc. Et c'est l'endroit également où se réunissent les shayatins, les diables. وَالْمَنْعُ يَشْمِلُ كُلَّ مَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ بَابُ الْحَمَّامِ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. Donc le cheikh il dit que l'interdiction de ça, ça implique ou ça comprend tout ce qui est en arrière de la porte. Une fois que tu es rentré dans la porte du hammam, hein, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ou à partir de cet endroit-là, derrière la porte, après, tout ce qui est à l'intérieur, tu ne peux pas prier dedans. Ensuite, le cheikh il dit وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَهِيَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي تُقِيمُ فِيهَا وَتَأْوَى إِلَيْهَا. Et le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de prier dans les endroits où se réunissent les chameaux et les. Donc c'est ça, les chameaux, les endroits où les enclos, où les endroits où on garde les chameaux, d'accord. قال الشيخ تقي الدين نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين وقد نهى عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. Donc il dit que شيخ الإسلام تقي الدين Ibn Taymiyyah, il a dit que on nous a interdit de prier dans les endroits où on garde les chameaux. Pourquoi? Parce que c'est là que descendent les shayatines également. Et donc, puisqu'on nous a interdit de prier dans les hammams, à cause ou parce que c'est un endroit où se réunissent les shayatines, alors il y en a de même que les âmes qui sont sales et tout, ou qui sont mauvaises. C'est encore plus important de ne pas prier dans ces endroits-là. Donc ça c'est mentionné également dans Majmu' al-Fatawa. Et ensuite le cheikh il dit وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي مَكَانٍ فِيهِ تَصَوِيرٍ قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْكَرَاهَةِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ لِأَنَّ كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ إِمَّا لِكَوْنِهِ مَظَنَّةَ النَّجَاسَةِ وإما لكونه بيت الشياطين وهو الصحيح أما محل الصور فمظنة الشرك وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. Donc le cheikh il dit que la prière dans les endroits où il y a des images, hein, et des photos, ça c'est un endroit où la prière est détestable dedans, c'est-à-dire où déconseillée. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prier dans. C'est détesté, ou c'est pas bien de prier dans des endroits où il y a des photos. Donc, il dit que c'est makro, hein, tukra. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya, il a expliqué, il a dit que c'est encore plus détestable, ou ça mérite plus d'être détestable que la prière dans le hammam. Pourquoi? Parce que, la prière dans le hammam, elle est détestée à cause du fait que on craint que ce soit un endroit où il y a de l'impureté, ou bien parce que c'est la maison ou le refuge des diables, des shayatines. Et ça, c'est l'opinion qui est correcte, le deuxième, à cause que c'est l'endroit où habitent les shayatines. En ce qui concerne les photos, eh bien, la crainte, qu'est-ce qu'on craint par les photos? C'est le shirk. Donc, le shirk dit donc, la plupart du shirk qui est arrivé dans les nations et dans les peuples, c'est à cause des photos et des tombes. Donc, c'est encore plus grave ou plus dangereux que les hammam. Et dans ce cas-là, ça mérite encore plus d'être détesté que de prier dans le hammam. Ensuite, le shirk termine ce point ou cette condition en disant عليك بالعناية أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك والتطهر فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه فإن صلاتك عمود دينك متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. Donc le cheikh il dit que ô mon frère musulman, prends garde ou occupe-toi bien comme il faut et sérieusement de ta prière et purifie-toi de toute impureté avant de rentrer dans ta prière et écarte-toi et évite tous les endroits qui nous ont été interdits de prier dedans pour que ta prière soit valable et qu'elle soit appliquée selon la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala te l'a prescrit et yani, ne néglige pas rien de ces règles là et ne les prends pas yani, à la légère parce que ta prière c'est le pilier de ta religion et si elle est droite alors toute ta religion sera droite mais si ta prière est déficiente et bien toute ta religion sera également déficiente et incorrecte alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le succès dans tout ce qu'il y a le bien et nous aide à prendre le droit chemin et à rester dessus. Ensuite le cheikh il commence à expliquer la quatrième condition, الشرط الرابع استقبال القبلة. Donc le cheikh il dit que la quatrième condition dans la prière c'est de se mettre dans la direction de la qibla. Donc il dit ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة سميت قبلة لإقبال الناس عليها لأن المصلي يقابلها قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Donc le cheikh il dit que la prière parmi ses conditions c'est qu'on doit se tourner vers la qibla et c'est la Kaaba, et on l'a appelée qibla pourquoi parce que les gens se tournent vers elle et donc la personne qui prie lorsqu'elle prie elle se met dans sa direction. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 144 dans surat al-Baqarah, et tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée, al-Kaaba, le masjid al-Haram, et peu importe où tu sois, tourne ton visage vers elle. Ensuite, le cheikh dit, فَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَرَاهَا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ نَفْسِ الْكَعْبَةِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا ولم يجز له العدول عنها ومن كان قريبا منها ولكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكنه. Donc le cheikh dit celui qui est prêt qui est à proximité de la Kaaba et qui la voit, alors pour lui c'est obligatoire de se tourner vers elle, vers la Kaaba, avec tout son corps. S'il est capable de se tourner vers elle, yani, dans ce cas-là, il doit le faire absolument. Et il n'est pas permis pour lui de s'en détourner pour la prière. Tandis que celui qui est près de la Kaaba mais qui ne la voit pas à cause d'un mur ou à cause de quelque chose entre lui et la Kaaba, alors il fait un effort pour essayer de prier dans sa direction quand même et de se diriger vers elle tant qu'il est capable. Ensuite, le cheikh dit "Wa man kana ba'idan min 'an al-Kaaba ay wa man kana ba'idan 'an al-Kaaba fi ayyi jihatin min jihat al-ard fa innahu yastaqbilu salatahu fi salatihi al-jihata allati fiha al-Kaaba." ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة صححه الترمذي وروي عن غير واحد من الصحابة وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها ولسائر البلدان مثل ذلك فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك Donc, le cheikh, il explique et il dit que si la personne est loin de la Kaaba, elle prie dans n'importe quelle direction parmi les directions de la terre pour faire en sorte qu'il se dirige vers la Kaaba. Et il dit donc il doit se mettre dans la direction de la Kaaba dans sa prière. Et il dit que si il est un petit peu vers la gauche ou un petit peu vers la droite, un léger écart entre dans l'angle, yani si l'angle d'écart est très léger, yani une petite différence vers la gauche ou vers la droite, il dit que ça c'est pas grave. Et il y a un hadith qui dit ça, c'est le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, qui dit que بين المشرق والمغرب قبلة, c'est-à-dire la direction c'est de la qibla, c'est entre l'est et l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a entre l'est et l'ouest? C'est une qibla. C'est ça. Il est sahih également. Imam Cheikh Al-Albani l'a déclaré sahih dans sahih At-Tirmidhi. Donc ça c'est authentique. Et le Cheikh donc il dit que ce hadith-là, il a été rapporté par plusieurs parmi les Sahaba. Et il dit que ce hadith-là, ça se rapporte aux gens qui vivent à Médine, ou ceux qui ont la même qibla que les gens de Médine, hein, dans le même parallèle. Pas dans le parallèle, c'est dans le méridien, en tout cas un des deux, là, celui qui est du nord et sud. C'est-à-dire, les gens de Médine, ils se tournent vers le sud quand ils prient. Donc, c'est pour ça que le cheikh il dit que pour eux, c'est pour ça que le hadith dit qu'entre l'est et l'ouest, il y a la qibla, c'est-à-dire il faut prier entre la direction entre l'est et l'ouest. Et donc c'est vers le sud. Mais si quelqu'un par exemple est tourné un petit peu vers l'est ou un petit peu vers l'ouest, eh ben il est quand même dans la qibla, d'accord. C'est juste pour dire que c'est pas quelque chose qui est précis au degré près là. Et toutefois il faut comprendre, comme le cheikh l'explique, que ça se rapporte aux gens de Médine. Et que pour les gens qui sont ailleurs, dans d'autres régions de la terre, bien c'est, ça s'applique également de différentes façons. Ok, comme le cheikh il dit, وَلِسَائِرِ الْبُلْدَانِ مِثْلُ ذَلِكَ. Et pour les autres pays, c'est la même chose. Donc, il dit, celui qui est à l'est, par exemple, sa qibla est entre le nord et le sud. Hein? Et celui qui est à l'ouest, eh bien c'est la même chose. D'accord? Et donc, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs en ce qui concerne la qibla, comme les Ahbash par exemple, qui prient dans une autre direction que les musulmans de Ahl Sunnah ou Al Jama'a. Et eux, c'est parce qu'ils ont fait l'erreur de croire que la terre est plate. Hein, ils ont fait l'erreur de croire que la terre est plate. À cause de ça, ils prient vers le sud. Ils prient vers le sud. Donc ça, c'est une grave erreur de leur part. Et puis, la bonne qibla, c'est le point le plus court entre les deux, entre l'endroit où tu es et l'endroit de la qibla ou de la Kaaba. C'est-à-dire, si on fait un arc sur le dessus de la terre, hein, entre le point où on est et le point de la Kaaba, on voit le point qui est le plus court entre ces deux points-là sur l'arc de la terre. Et donc, on trouve la bonne direction. Et donc, pour nous ici, c'est le nord, hein, le nord-est. Le nord-est. Et ça, c'est la bonne direction pour les gens de Montréal. Wallahu alam, pour la France, je ne suis pas certain, mais j'imagine que vous avez les mêmes problèmes que nous ici avec ces gens de Bid'ah, parmi les gens des Ahbash qui font la fitna avec ça. Donc, alhamdulillah. Et donc, s'il y a une petite différence, comme on a dit, c'est pas grave, mais si c'est une grande différence, là, dans ce cas-là, il y a un problème. Hein. Et ensuite, le cheikh il dit, فَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ بِدُونِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ. La prière n'est pas valable si elle n'est pas faite dans la direction de la qibla. لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةِ أي في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب. Donc, le cheikh il dit, la preuve de ça, c'est dans la parole d'Allah, dans le verset 144 de Al-Baqarah, qui dit, peu importe où vous soyez, alors tournez votre visage vers la qibla, vers la Kaaba. Et le cheikh il explique ça en disant que peu importe où vous êtes, sur la terre ou dans le ciel ou sur la mer ou dans à l'est ou à l'ouest, peu importe où vous êtes, tournez-vous vers la Qibla. إلا العاجز عن استقبال عن استقبال القبلة كالمربوط أو المسلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. Donc le cheikh il dit la seule exception pour le fait de, par exemple, de se tourner vers la Kaaba, c'est pour les gens qui ont une incapacité de le faire. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui serait attaché dans une direction autre que celle de la Qibla. Ou bien quelqu'un qui serait, par exemple, crucifié ou attaché dans une direction différente de celle de la Qibla et qui n'est pas capable de se tourner vers la Qibla. Alors pour lui, qu'est-ce qui est obligatoire de faire, c'est de prier dans la direction qu'il est capable. Hein? S'il n'est pas capable de se tourner vers la Qibla, eh bien, il prie dans la direction dans laquelle il est, même s'il n'est pas devant la Qibla, parce que cette condition-là, elle tombe avec l'incapacité, et ça c'est avec le consensus de tous les savants, de tous les gens de ilm. Ils sont tous d'accord pour dire que cette condition-là, elle tombe si une personne n'est pas capable de se tourner vers la Qibla. وكذا في حال اشتداد حرب الحرب والهارب والهارب او الهارب من من السيل او من سيل او نار او سبع او عدو والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو الى غير القبلة تصح صلاتهم لانه شرط عجز لانه شرط عجز عنه فسقط عنه قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Le cheikh il dit que par exemple si une personne est dans la guerre et que c'est très très dur, hein, la guerre est, il y a un moment où c'est très difficile et il est mal pris et il est incapable de se tourner vers la Qibla, ou bien quelqu'un qui est en train de s'enfuir de par exemple, disons, comment on dit, une inondation ou quelque chose qui un courant ou quelque chose comme ça, ou bien un feu, quelqu'un qui s'enfuit d'un feu, ou bien d'une bête féroce, hein, ou bien d'un ennemi quelconque, ou bien qu'il est affligé d'une maladie et que dans cette maladie-là, bon, à cause de cette maladie-là, il n'est pas capable de se tourner vers la Qibla. Alors, tous ces gens-là, par exemple, et ils prient dans la situation dans laquelle ils sont, hein, ils prient dans l'état où ils sont, et même si c'est pas dans la direction de la Qibla, leur prière sera valable quand même, parce que yani, c'est une condition qu'ils n'ont pas été capables, ils sont incapables de l'appliquer, et donc ça tombe, et ne demeure plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, craignez Allah plus que vous en êtes capables. Et ça c'est le verset 16 dans sourate At-Taghabun. Ensuite, le cheikh il dit: "Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu ma istata'tum." ورد في الحديث المتفق عليه انهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Si ce que je vous ordonne, lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous en êtes capable. Hein? Faites ce que vous en êtes capable. Et ça, c'est rapporté dans un hadith très célèbre. Hein? C'est très connu ce hadith-là. Et il y a un autre hadith également qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et qui mentionne que lorsqu'il y a une grande crainte, hein, lorsque les gens ont très peur, ils peuvent prier en direction de la Qibla ou bien dans une autre direction, hein, s'ils ne sont pas capables de prier dans la direction de la Qibla. Et ça c'est rapporté dans un hadith selon Omar ibn Khattab radiallahu anhu, par Al-Bukhari et par l'imam Muslim également. Donc le cheikh dit: "Yustadallu ala al-Qibla bi ashiya kathira نعم بأشياء كثيرة منها الإخبار إذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا القبلة وكذا إذا وجد محارب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحارب يدل على صحة اتجاهها وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. Donc le cheikh il dit que les façons qu'on peut utiliser pour trouver la direction de la qibla sont nombreuses. Parmi ces façons là qu'on peut utiliser pour trouver la bonne direction de la qibla, il y a le fait de se baser sur l'information que quelqu'un peut nous donner à ce sujet là par exemple, si on demande à quelqu'un qui est musulman qui est fiable et honnête de nous montrer la bonne direction pour faire la qibla, pour faire la salat, on peut utiliser son information comme référence, comme référence, et donc ça c'est si la personne qui nous informe est certaine, cette personne-là est certaine de la bonne direction de la qibla. Donc quand il nous informe de la direction, eh bien on se base sur son information. Deuxième, une des raisons, une autre des moyens qu'on peut utiliser pour trouver la bonne direction pour faire la prière, c'est lorsque on cherche par exemple dans les pays musulmans, par exemple, on voit la direction dans laquelle est construite la mosquée et on peut savoir tout de suite où se situe la qibla, d'accord? En se basant sur ça, parce que c'est des mosquées qui ont été construites depuis longtemps. Et donc on voit le mur qui est face à la qibla, que ça c'est le mur où tout le monde se tourne pour prier. Donc ça veut dire que on se base sur le fait que cette direction-là est correcte. Ensuite, le cheikh dit wakadalika, et également on se base comme sur la preuve des étoiles également, dans le sens que on peut trouver la direction de la qibla en utilisant les étoiles et les constellations. D'accord? Ça, c'est un autre moyen qu'on peut utiliser. Comme les marins utilisent les étoiles également pour se diriger quand ils sont dans l'océan. Et ça, c'est l'ayah qu'il a mentionné, c'est l'ayah numéro 16 dans Surat An-Nahl, qui dit qu'il se dirige en se basant sur les étoiles. Ensuite, le cheikh il dit الشرط الخامس, la cinquième condition, et c'est la dernière condition que le cheikh a mentionnée. Il dit النية, donc la cinquième condition pour faire la prière, c'est d'avoir l'intention, d'avoir la bonne intention. Et donc le cheikh il dit ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. Donc parmi les conditions, c'est l'intention, et donc c'est de vouloir faire quelque chose dans un but quelconque, et deuxièmement, la définition religieuse, ou bien la définition selon la charia de An-Niyya, c'est quoi? C'est d'avoir l'intention sincère, ou de vouloir fermement faire un acte d'adoration dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que où se situe l'intention, elle se situe dans le cœur. محلها القلب فلا يحتاج إلى التلفظ بها بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فينوي بقلبه الصلاة ويريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات. Donc le cheikh il dit que l'intention, elle doit se situer dans le cœur, et donc on n'a pas besoin de le prononcer. Et donc le cheikh il dit de prononcer l'intention à haute voix, ça c'est une bid'a, c'est une innovation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, ni même ses sahaba. Donc l'intention, tu l'as avec ton cœur ou dans ton cœur, et tu la veux, c'est-à-dire tu veux faire cette prière, comme par exemple tu veux faire al-zuhur ou al-asar, et bien ça tu le sais, tu le dis dans ton cœur, et ça c'est ça l'intention. Et il dit, c'est basé sur le hadith qui dit « Innamal a'malu bin niyat ». Ça, c'est le hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dans Al-Bukhari et dans Muslim, qui dit que les actions ne sont que par leurs intentions. Ensuite, le Cheikh il dit wa yanwi ma'a takbirat al-ihram li takuna an-niyyah muqarinatan li'ibada wa in taqaddamat bi zaman yaseer fi al-waqt fala ba's. Donc le Cheikh il dit qu'il a l'intention, on doit avoir cette intention au moment où on fait takbirat al-ihram, c'est-à-dire lorsqu'on fait le premier takbir, hein, le premier takbir qu'on fait dans la prière quand on commence, on dit Allahu Akbar. Ça s'appelle le takbir. Et donc, quand on fait ça, c'est, on l'appelle ce premier takbir, on l'appelle takbiratul ihram. Ok? Et donc, quand on commence, quand on fait takbiratul ihram, c'est là qu'on doit avoir l'intention pour faire cette adoration-là. Et la raison pourquoi on le fait à ce moment-là, où on a cette intention-là à ce moment-là, c'est pour qu'elle soit reliée, cette intention, avec l'adoration directement. Et si on la précède, ou on fait précéder cette intention-là un petit peu avant le temps, il n'y a pas de problème. Le Cheikh dit, c'est pas grave. Et ensuite, il dit wa yushtaratu an tastamir an-niyyah fi jami' as-salat. Fa in qata'aha athna as-salat, batalat as-salat. Donc le Cheikh dit que il faut que, ou il y a parmi les conditions de l'intention, ben, il faut qu'elle dure cette intention-là durant tout le temps de la prière. Si on coupe cette intention-là durant la prière, c'est-à-dire on cesse d'avoir l'intention de prier, c'est-à-dire on dit oh, là je sors de la prière, et bien là cette prière-là elle est invalable, elle n'est pas valable, elle devient annulée. Donc il y a ça. Et le Cheikh il dit ensuite ويجوز لمن أحرم في صلاة الفجر في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. Par exemple, le Cheikh il dit qu'il est permis, si une personne a commencé sa prière en faisant le takbir, takbirat al-ihram, et que son intention là, à ce moment-là, c'était de prier une prière obligatoire, qu'il soit parmi les gens qui prient derrière l'imam, ou bien qu'il soit tout seul, hein, qu'il prie individuellement, il a le droit de tourner ou de rendre sa prière ou de changer son intention pour la faire devenir une prière volontaire ou bien non obligatoire. Pour une bonne raison, c'est-à-dire s'il fait ça dans un but qui est acceptable. Par exemple, si la personne a commencé à prier toute seule et il a envie de prier avec la jama'a, donc il peut changer son intention pour faire en sorte que sa prière devienne une prière de jama'a. D'accord? Il change son intention de cette façon-là, dans son cœur. Et c'est permis de faire ça. Le Cheikh dit ensuite وَعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي النِّيَّةِ بِدْعَةً وَتَشَدُّدًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ فَرَضَ كَذَا عَدَدَ كَذَا مِنَ الرَّكْعَاتِ أَدَاءً لِلَّهِ خَلْفَ هَذَا الْإِمَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. Donc ça c'est un point intéressant et important qui nous que le Cheikh nous donne ici, et il dit sachez que certaines personnes ont innové ou ont inventé dans l'intention des innovations, des bid'ah et des difficultés dans la religion qu'Allah ne nous a jamais révélé et au sujet desquels il n'a donné aucune autorité. Et ça, c'est l'exemple des gens qui, par exemple, disent « J'ai l'intention de prier une prière obligatoire, farte, du nombre de 4 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala derrière cet imam. » Donc ça, c'est les exemples de ce qu'ils disent avant de faire la salat. Ils disent tout de suite cette phrase-là avant chaque prière selon la prière. Donc, ils disent par exemple, j'ai l'intention de prier la prière de Fard de Al-Asr, 4 rak'at, pour Allah subhanahu wa ta'ala derrière cet imam, etc., etc. Il raconte toutes ces histoires-là avant de commencer à faire la prière et il s'imagine que ça c'est l'intention. Et le cheikh il dit que ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait et ça nous a jamais été rapporté d'une façon ou d'une autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcé à haute voix ou bien même à voix basse l'intention qu'il avait de faire quelque chose dans les adorations. Donc tout ça, ça n'a pas de fondement dans le Coran ni dans la Sunna, et donc c'est une bid'ah. Et le cheikh il dit par la suite, il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة على ذلك وإذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له لا سيما إذا آذى إلى جانبه إلى آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. الشيخ سبحان الله ابن تيمية إذن دي des règles très dures à ce sujet-là, et il dit que de prononcer l'intention à haute voix, ce n'est pas obligatoire ni recommandé selon l'accord de tous les musulmans. Et le cheikh dit que même que la personne qui dit à haute voix son intention est un innovateur, un mubtadi', qui a contredit la charia. Et s'il fait ça en croyant que ça fait partie de la charia de le faire, alors c'est un ignorant et un égaré, et il mérite une punition pour avoir fait ça. Et s'il persiste à le faire après qu'on lui a donné l'information, après qu'on lui a expliqué, alors surtout s'il a dérangé les gens qui sont à côté de lui en élevant sa voix, et qu'il continue continuellement à le refaire une fois après l'autre, alors celui-là, il mérite une sérieuse punition par le fait qu'il continue à faire cette chose-là. Il a un qal, وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك وغلط جماهير أصحاب الشافعي وكان غلطه أن الشافعي قال عن الصلاة لا بد من النطق في أولها فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية فغلطه أصحاب الشافعي جميعا وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. انتهى كلامه رحمه الله. Donc Ibn Taymiyyah il dit que certains parmi les gens qui sont venus dans un temps plus éloigné après l'imam al-Shafi'i, ils ont essayé de dire que par exemple il y avait un point ou une base dans le madhab de l'imam al-Shafi'i pour prouver l'obligation de prononcer l'intention à haute voix. Et il dit que la majorité des ulama qui suivent l'imam al-Shafi'i, ils ont tous dit que ça c'était une grave erreur et que c'est pas vrai que l'imam al-Shafi'i a commandé de prononcer l'intention à haute voix. Il dit qu'il faut plutôt, le cheikh dit que l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit en réalité, c'était que il faut absolument parler avant la prière ou au début de la prière. Et il dit que c'est seulement ça qu'il a dit en fait. Il a dit il faut que la personne parle ou prononce au début de la prière. Et la personne donc qui a lu ça ou qui a entendu ça, elle a cru qu'il parlait de l'intention. Et donc les autres élèves ou les gens qui ont suivi al-Shafi'i, parmi les imams qui ont suivi ses fondements dans le fiqh et tout, ils ont tous dit que l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a parlé de ça, ou quand il a dit de parler à haute voix ou de prononcer quelque chose, il parlait du takbir, c'est-à-dire de prononcer le takbir à haute voix, et non pas de l'intention. Et donc ça c'est la fin de la citation de l'imam Ibn Taymiyyah, ça c'est dans Majmu' al-Fatawa également. Et ensuite le cheikh dit, « Wa at-talaffuz bin-niyyah kama annahu bid'ah فقد يدخل في الرياء أيضا لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه وإلا ما ورد دليل بإظهاره فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها والله تعالى يقول قل أفتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات والله تعالى أعلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. Donc pour terminer, le cheikh il explique et il dit que de prononcer l'intention c'est une bid'a, comme on a expliqué, et non seulement c'est une bid'a, mais ça peut également faire entrer dedans qu'est-ce qu'on appelle ar-riya, c'est-à-dire le fait de faire une action par ostentation ou bien pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Parce que qu'est-ce qui est demandé par l'islam, c'est qu'on purifie nos actions pour Allah et qu'on les cache. Excepté s'il y a une preuve pour montrer qu'on peut l'exprimer ou le montrer et le faire de façon apparente. Sinon, le musulman, à la base, il cherche en général à cacher ses actions et à ne pas les faire voir aux gens dans le but de se montrer. Hein. Et le cheikh il dit ensuite, donc qu'est-ce qu'il faut que le musulman fasse? C'est il faut qu'il s'arrête aux limites de la charia. Hein. Il faut qu'il soit, comme on dit, waqafan. Hein, waqafan, inda hududillah. C'est-à-dire, waqaf, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'il voit une des limites d'Allah, il s'arrête à chaque fois. Il ne dépasse jamais les limites d'Allah. Amilan bis sunan. Il agit ou il applique les sunan et il abandonne les bid'ah. Il laisse tomber les bid'ah. Peu importe la sorte ou la catégorie de bid'ah, et peu importe d'où elle vient, et c'est quoi, peu importe son origine, hein. Même si c'est un imam parmi les imams de l'islam qui a amené cette bid'ah, eh bien, il la suit pas. Il y a certaines personnes qui se basent sur le fait qu'une personne qui était célèbre, qui était pieuse, a fait une chose pour essayer de prouver que cette action ou cette parole est acceptable. Donc ça, c'est une mauvaise manière de juger et d'essayer de déterminer les choses dans l'islam. Donc on se base sur le Coran et sur la Sunna pour déterminer ces choses-là. Et le cheikh il dit, pour terminer, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 16, dans Surat Al-Hujurat, il dit, est-ce que vous allez informer Allah subhanahu wa ta'ala de votre religion alors qu'Allah connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Et Allah a la connaissance de toutes choses. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous allez informer Allah de votre intention, alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans votre cœur, hein, donc vous n'avez pas besoin de prononcer à haute voix votre intention. Hein, si elle est vraie, dans votre cœur, votre intention, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit, il les entend, il les connaît. Donc, il n'y a aucun besoin de les prononcer dans la prière et dans aucune des adorations, d'accord. Et le cheikh il dit en terminant que Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux et que Allah donne le succès à toute personne et à tout le monde pour qu'il arrive à établir ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il agrée. Hein? Donc ça c'est la fin et ça termine le chapitre qui explique les conditions de la salah. Donc on va s'arrêter ici et la semaine prochaine inshallah on va commencer une autre partie du livre qui explique maintenant Bab fi Adab al-Mashi ila Salah, c'est-à-dire la manière dont on doit marcher pour aller vers la Salah. Non, donc là en ce moment j'étais en train de réfléchir au sujet de al-Hajj. Et je sais que peut-être certaines personnes vont partir au Hajj et ça vous intéresse, on pourrait sauter ou s'arrêter à l'endroit où on est dans Kitab al-Salah, commencé le chapitre qui explique les règles du Hajj pour ceux qui veulent étudier ces principes-là pour se préparer pour le Hajj, et ensuite on reviendrait là où on est arrivé dans le livre. Mais bon, faudrait que je sache ce que vous en pensez. Yanni, ceux qui connaissent l'adresse du groupe, envoyez-moi vos points de vue, votre opinion là-dessus. Et puis on verra ce qu'on fera, Inch'Allah. Sinon, ben on continuera comme d'habitude notre dars. Hein, parce que je sais que sûrement il y aura d'autres frères et d'autres chouyours qui vont faire des cours sur le Hajj. Donc dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de s'arrêter dans notre livre. On pourrait continuer comme on continue maintenant, et d'autres frères pourront, ou d'autres parmi les toulab al-ilm, ou bien parmi les chouyours, vont pouvoir expliquer ces règles-là, et nous, donc, on pourra continuer ce qu'on fait, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continue la semaine prochaine, Bismillah. Donc, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.